إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشهر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، après avoir évoqué les circonstances par lesquelles Youssouf alayhi salat wa salam se retrouva en Égypte sous la tutelle du gouverneur de la basse Égypte et chef de la police royale du pharaon Al-Aziz, Allah cite un événement qui marquera un tournant pour la suite des événements. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. La sourate Yusuf, les versets 23 à 28. Allah dit d'abord tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets: Or celle, la personne de Zulikha, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: Viens, je suis prête pour toi. Il dit: Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit: Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Youssouf dit alors: C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna: Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit: C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous dit: Allah Jalla Jalalu mentionne que la femme de l'Aziz, Zulikha, a essayé de séduire Youssouf alayhi salat wa salam en lui demandant ce qui ne sied pas à son état et à son rang. Cette femme était belle, jeune, riche et d'un rang élevé. Elle ferma les portes de sa demeure, se prépara pour lui, se fit belle et revêtit ses plus beaux habits alors qu'elle était l'épouse du grand intendant d'Égypte. Youssouf était un jeune homme beau et élégant. mais il descendait d'une lignée de prophètes. C'est pourquoi son Seigneur le préserva de la turpitude et le protégea de la ruse des femmes. Il fait partie des sept catégories de maîtres nobles et pieux évoqués par le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Sept personnes seront protégées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un imam juste, un homme qui isolé évoque Allah et fond en larmes, un homme dont le cœur demeure attaché aux mosquées lorsqu'il en sort jusqu'à y revenir. Deux hommes qui s'aiment en Allah se rencontrent et se séparent pour lui. Un homme qui a été éduqué dans l'adoration d'Allah. Un homme qui fait une aumône d'une manière discrète au point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite dépense. Et enfin, un homme qui, sollicité par une femme noble et belle, répond « Je crains Allah ». En résumé, elle l'a appelé à elle et l'a désiré au plus haut point. Mais il répondit « Qu'Allah me protège. C'est mon maître, à savoir le mari de Zulayha, le maître de maison, qui m'a accordé un bon asile, en étant généreux avec moi et en m'honorant. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Fin de citation. Dans ces mêmes versets, l'imam Abd al-Rahman ibn Sa'd, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous dépeint le tableau et nous dit « Cette grande épreuve fut plus difficile pour Youssouf que celle qu'il subit de la part de ses frères. Et la patience dont il fit preuve dans cette dernière est plus méritoire car il patienta de plein gré malgré les nombreux facteurs tendant à le pousser dans l'interdit. Il privilégia l'amour d'Allah sur ce méfait. Quant à l'épreuve qu'il subit de la part de ses frères, il n'avait le choix que de patienter. Comparable à ses maladies et ses désagréments qui touchent le serviteur malgré lui, et face auxquels il n'a de choix que de patienter bon gré malgré. En effet, Youssouf resta dans la demeure de l'Aziz honoré. Il jouissait d'une beauté et d'une splendeur qui provoqua le fait que celle-ci, Zulayha, qui l'avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Il était son esclave, sous ses ordres. Il était facile et aisé à ce pauvre jeune homme seul de commettre le blâmable sans que personne ne s'en rende compte. Fin de citation. قال الله تبارك وتعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Et elle ferma bien les portes. Et l'on sous-entend ici que les portes étaient nombreuses. Elle les ferma à double tour et dit « Je suis à toi ». L'imam Sa'di poursuit et dit « C'est-à-dire, commets l'interdit et viens vers moi ». Malgré tout ceci, son cas est étonnant, alayhi salatu wa salam. Nul n'était plus pudique que lui lorsqu'il était chez lui parmi les siens, alors qu'ici, il est son valet, sous sa tutelle. Elle est sa maîtresse, dotée d'une beauté qui pourrait le pousser à commettre ce à quoi elle l'appelle. Lui est jeune et célibataire. De plus, elle le menaça d'être jeté en prison ou encore de subir un châtiment douloureux s'il ne répondait pas favorablement à ses avances. Il patienta face à la désobéissance d'Allah, malgré le facteur puissant pouvant le pousser à tomber dans ceci, car il la convoita, mais délaissa ceci pour Allah, faisant prévaloir ce que souhaite Allah à ce que souhaite et désire l'âme incitatrice au mal. J'ouvre une parenthèse ici. Nous constatons que l'imam Abd al-Rahman ibn Sa'di a dit que Youssouf alayhi salatu wa salam l'a convoité, seulement il a fait devancer l'amour d'Allah sur l'amour de ce péché, au regard des preuves qu'il avait reçues de la foi et de la piété. C'est une manière d'expliquer le verset. Une autre manière d'expliquer le verset, et de dire, il ne l'a jamais convoité. Et ceci ne lui traversa jamais l'esprit, car Allah l'a préservé de convoiter et désirer le péché, dû aux preuves qu'il reçut de son Seigneur. Je reprends la parole de Cheikh Abd al-Rahman ibn Sa'd, rahimallah tabaraka wa ta'ala. Il dit, il vit les preuves évidentes de son Seigneur, qui sont la science et la foi, obligeant toutes deux au délaissement de ce qu'Allah a interdit, ce qui l'obligea à s'éloigner et à se détourner de cette grande désobéissance. D'ailleurs, il dit Ma'ad Allah, c'est-à-dire je cherche protection auprès d'Allah de commettre cet acte infâme, car ce dernier provoque la colère d'Allah et l'éloigne de lui. Il constitue une trahison vis-à-vis du maître de cette maison qui lui a octroyé le plus bel asile. Il ne convient pas que je vienne à cette famille de la pire des manières. Ceci constitue une des pires injustices et l'injuste ne réussit point. La réalité est qu'il a fait de la piété, l'observance du droit de son maître qui l'a honoré, la préservation de son âme contre l'injustice qui ne profite aucunement à celui qui la commet. De ce qu'Allah lui a donné comme preuve de la foi qui implique qu'il se conforme aux ordres religieux, s'écarte des interdits, une barrière dans son cœur contre cet acte. En résumé, Allah a éloigné de lui le mal et la turpitude, car il était du nombre de ses serviteurs élus dans son adoration. Ce qu'Allah a choisi, élu, ce qu'Allah s'est réservé pour lui-même, ceux sur lesquels Allah a déversé ses bienfaits et a écarté d'eux les désagréments, de telle sorte qu'ils furent les meilleurs de toute la création. Fin de citation. Sur ceci, Allah dit tabaraka wa ta'ala, tous deux coururent vers la porte, mais pas pour le même objectif. Youssouf voulut s'enfuir, alors que cette femme, Zulayha, voulut l'empêcher de sortir afin d'arriver et d'atteindre ses objectifs, à savoir commettre l'interdit avec lui. Tous deux coururent vers la porte et ils trouvèrent le maître à la porte. Ils trouvèrent le maître de maison à la porte. Le Coran ici, c'est une parenthèse que j'ouvre, le Coran ici reprend l'usage des Coptes d'Égypte sur l'utilisation du terme « Sayyid ». Ils trouvèrent tous deux à la porte « Al-Sayyid ». « Al-Sayyid » ici pour désigner « Al-Aziz », le mari de Zulayha. Usage qui n'est pas connu chez les Arabes dans ce sens. C'est-à-dire que le terme de « Sayyid » n'est pas utilisé chez les Arabes pour désigner le mari. Contrairement aux Coptes d'Égypte de cette époque qui utilisaient le terme de « maître de maison » pour désigner le mari. Ceci relève des précisions historiques dont fait preuve le Coran. De même, le verbe utilisé en arabe « alfa »« alfaya » ils trouvèrent tous les deux. Le verbe « alfa » signifie qu'ils trouvèrent « el-aziz » sans qu'ils eussent l'intention de le chercher. C'est comme si ce verset nous expliquait qu'ils tombèrent sur lui et furent surpris de le trouver à cet endroit, alors que tous deux essayaient d'être le premier à arriver aux portes. C'est devant cet état de fait qu'elle prit les devants et s'empressa de dire « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Elle l'accusa alors qu'elle était la coupable et se déclara innocente et pure. Youssouf alayhi salatu wa salam dit alors « C'est elle qui a voulu me séduire. » En effet, il devait rétablir la vérité dans pareille situation. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Ce témoin dit, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Il ne fait aucun doute que ce témoin s'appuya sur la manière dont fut déchiré ce vêtement, sur les propos de Zulayha, qui avait essayé d'en faire un argument en sa faveur, à savoir qu'elle avait essayé de le retenir pour le châtier, car il avait essayé de la toucher. Ce qui expliquait le vêtement déchiré. C'est sur quoi elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux. En effet, s'il n'y avait pas cette parole, il n'aurait pas traversé à l'esprit de ce témoin que le vêtement fut déchiré. Ce témoin n'en avait aucune connaissance. Cependant, ce témoin a voulu prouver, dans un premier temps, l'innocence de Zulayha. Mais il se produit le contraire et sa proposition se retourna contre elle. Et Youssouf en sortit grandi et honoré. En effet, le vêtement déchiré de devant prouverait que c'est lui qui a cherché à la séduire et qu'elle l'a repoussé jusqu'à déchirer le vêtement de sa tunique. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques, car il aurait voulu s'échapper, qu'elle l'aurait poursuivi, s'attachant à lui, en déchirant sa tunique, et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka nous rappelle ce qu'a dit El-Aziz devant cette scène. C'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. En effet, El-Aziz avait constaté que le vêtement de Youssouf et sa tunique étaient déchirés par derrière, ce qui prouve son innocence et la culpabilité de Zulayha, qui avait essayé de le retenir et d'attenter à sa chasteté. El-Aziz a dit, c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer vient de votre ruse et de vos stratagèmes de séduction, vous les femmes. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer outre ce fait en disant, Youssouf ne pense plus à cela. C'est-à-dire, ne le révèle à personne, car il est préférable et plus convenable de garder ceci secret. Il demanda par la suite d'implorer le pardon pour son péché à son épouse et de s'en repentir auprès de son Seigneur, car dès lors que le serviteur se repent, Allah lui pardonne. Les gens d'Égypte à cette époque, bien qu'ils étaient idolâtres, savaient que seul Allah pardonnait les péchés ou châtiait pour cela. C'est pourquoi son époux lui demanda de se repentir et lui trouva des circonstances atténuantes parce qu'elle était en face d'un homme d'une beauté telle qu'il était difficile de pouvoir se maîtriser. Mais Youssouf alayhi salatu wa salam était chaste, pur, innocent, loin de toute mauvaise intention. Al-Aziz dit alors, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته